US. Numéro 1, c'est le son qui cartonne le plus en ce moment aux States. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. And although time may take us into different places, I will still be patient with you. Comme tous les dimanches soirs, de 20h à 21h, les 10 cartons rap et R&B aux États-Unis. Le son qui est classé numéro 1, ça bouge pas par rapport à la semaine dernière. Major Lazer avec Justin Bieber et le son Cold Water sur Skyrock. Let Me Love You, de nouveau numéro 2 d'ailleurs, un son qui avait été déjà classé numéro 1. C'est DJ Snake avec Bieber aussi d'ailleurs. Et Let Me Love You sur Skyrock pour clôturer le 8 US de ce dimanche soir. Merci Steph pour ce classement des meilleures ventes de sons aux États-Unis. On te retrouvera dimanche prochain à partir de 20h pour découvrir tout ce qui se passe aux États-Unis comme tous les dimanches soirs sur Skyrock. Comme tous les dimanches soirs et comme tous les dimanches soirs juste après le 8 US. C'est parti pour la spéciale de la radio libre du. Est-ce que juste avant d'y aller, est-ce que oui. Je peux dire que je suis au fond du saut parce qu'il y a un match qui vient de commencer entre Marseille et Nice. T'es pas niçois toi ? Et non, tu vois, je suis juste un petit peu plus au nord. D'accord. Donc il y a Nice qui mène 1-0 contre Marseille, but de Balotelli. Voilà. Ouais, c'est le retour de Super Balotelli, Mario, ouais. Super attaquant qui a joué dans les plus grands clubs européens et qui débarque à Nice d'ailleurs cette saison et qui a déjà marqué face à Marseille. On suit ça en direct car bien évidemment nous sommes premier sur le foot bien sûr. Tu as tout dit Steph, à dimanche. Ouais, ciao tout le monde. Yo, la spéciale de Difool, 21h minuit sur Skyrock. C'est parti, on termine le week-end tous ensemble, le meilleur de Difool, la grosse spéciale du dimanche soir. J'espère que vous avez passé un bon week-end. On va passer la soirée avec toutes les conneries de Difool, de Romain, Lamari, Samy, Karim, Cédric le Belge. Et dans quelques minutes, on va retrouver l'homme par qui le scandale est arrivé. Il s'appelle Nico, il a 29 ans, il est routier, il est marié, 2 enfants, jusqu'ici tout va bien. Il a réussi à mettre à bout de nerfs toutes les auditrices de Skyrock. Vous allez tout savoir dans moins de 30,

Bah, je sais pas, moi aussi je vous écoute, c'est quoi ce bazar là? Ça sonne, j'entends trois personnes qui parlent en même temps. Bah, écoutez, ça fait la troisième fois qu'on m'appelle et je sais pas. Ah ben bah, moi aussi, on m'appelle, c'est marqué privé sur mon téléphone et j'entends des gens parler. Ah bon? Il y a un problème là sur la ligne, je ne sais pas. Moi j'appelle pas, hein. Non, mais moi non plus. Bon, ben voilà. C'est quoi ça? Bah, c'est vous qui appelez là? Vous êtes qui? Il y a un délire sur les lignes oranges, je ne sais pas, il y a un problème là. Allô? Allô? Allô? Oui, vous êtes qui, madame? Ah ben personne, moi j'appelle personne, c'est mon téléphone qui sonne. Ah, ben le mien aussi. Ah ben alors je ne sais pas qui fait des blagues au téléphone, mais il y a un problème dans le réseau. C'est le quatrième appel, ça doit être un emmerdeur. Ah ben à mon avis, quelqu'un de bien futé, parce que moi ça sonne, c'est marqué privé sur mon téléphone. Je décroche et apparemment il y a plusieurs personnes en même temps. Saucisson de cheval. Allô? Je te prends un saucisson de cheval et je te l'enfile. Je t'appelle pas, non, espèce de con, on va te faire foutre, enculé de ta race, connard. Elle se fait traiter de cadeau. À la fin. Les familles sont tellement surprenantes que je m'en étouffe. C'est la spéciale du dimanche soir avec le meilleur de Difool sur Skyrock. On va voir si Benjamin, il est joueur à Pokémon Go, s'il cherche des Pokémon partout, ou alors s'il a été victime de ses potes. Salut à toi, Benjamin. Salut Difool, salut équipe, salut. Ça fait plaisir de vous retrouver cette année. Salut, salut, salut. Bon, t'as 24 ans et... Non, t'as 25 ans et t'es dans le 24 ou l'inverse? D'accord, oh, très bien. Le 24, c'est donc les Landes. C'est ça. Non, Dordogne. Dordogne, j'étais pas loin. Ah, tu connais tous les départements. J'étais pas loin. Alors Benjamin, explique-nous ce qui t'arrive. Ben, j'ai... Là au mois d'août, là j'étais chez un pote, ça fait... enfin, c'est mon meilleur pote d'ailleurs, ça fait 2 ans qu'on s'était pas vu. Ouais. T'es parti en vacances où chez lui. T'es allé où? C'était au Sable d'Olonne, en Vendée. En Vendée, c'est sympa. Donc t'es monté un peu vers le nord. Donc moi j'habite donc en Dordogne, moi c'est la campagne. Et puis donc j'avais la chance d'aller chez lui à la mer. Ouais, surtout que oui, il y a des grandes plages là-bas. Ouais, c'est sympa. Ah, oui. Oui. Et donc lui, la journée, bah, il travaillait. Et le soir, quand il rentrait, vers minuit, parce qu'il est cuisinier, et il me disait, bah, on va jouer à Pokémon Go et on allait se balader dans la rue le soir jusqu'à 2h du matin. Allez, viens, on va chasser les Pokémon. Ah ouais, t'es à fond. On avait la chance, on aurait pu aller à la plage, aller boire un verre au bord de la mer et tout. Et tous les soirs, bah, j'étais obligé d'aller jouer à Pokémon. Non, mais il y a des Pokémon sur la plage, non? Mais ils sont partout, Marie, les Pokémon. Mais hein. Ben oui, il y en a. Bah, tu sais que j'ai halluciné. Oui, mais... Là, j'ai essayé en Sardaigne, bon, où je vais, c'est pas super grand. Mm-hmm. Mais il y en avait plein, il y avait même un ring pour si tu peux faire des combats. Y a des combats de Pokémon, ouais. Non, mais ouais, il y a des. Dans des coins, en fait, par exemple, je sais pas, à Paris, j'en sais rien, je vais te dire un truc bidon. Mais là, si ça y est. Dans le studio, il y en a, c'est possible. Ouais, bien sûr qu'il y en a, rien de Samy, là. Non, par exemple, tu vois, par exemple, à Paris, il peut y avoir à la Tour Eiffel, ça peut être un ring pour faire des combats de Pokémon. Mais il y a des histoires parce que, genre. Il y a des maires qui ont interdit la chasse aux Pokémon dans leur mairie. Non, mais il y a eu un truc, un monument d'Auschwitz ou je sais plus quoi qui est... Un mouvement d'Auschwitz? Non, un monument. Ah. Un truc au niveau d'Auschwitz qu'ils avaient mis ça en ring, donc ça a un peu gueulé, quoi. Ah ouais, tu m'étonnes. Ah, il y a des rings partout. Ouais, ouais, il y en a partout, ouais. Pokémon. C'est toi qui a une espèce de. Alors, ce que j'ai compris, c'est toi qui a une espèce de monument ou un truc, il peut y avoir un ring ou quoi. Ah ouais. Alors, il y a Jérémy qui nous dit. C'est des Pokéstop. C'est cool, ouais, Pokémon Go. Ça prend pas beaucoup de données, c'est l'8. Cellulaire. Ah, j'y ai joué, c'est sympa de retomber dans son enfance. Ouais. Moi, c'est mon petit frère qui joue à ça tout le temps, il a 7 ans, il m'a cassé les couilles. Et en plus, ça m'a bouffé tout mon forfait. Ça bouffe du forfait de jouer à Pokémon. Ah ouais, sympa, petite dose en fait. À petite dose, ouais, mais pareil, quand tu commences, t'arrêtes pas. Hein. Non, mais c'est chiant pour les gens qui sont autour. Hein. Non, mais c'est vachement addictif. En fait. Ouais, mais justement, ça a été fait pour que les geeks ils sortent de chez eux, donc c'est bien fait, je trouve. Ça fait sortir les geeks. Ouais, au moins vous marchez, vous faites du sport. Ouais, mais au début, prend l'air. Ouais, mais il y en a au début, ils sont pas geeks. Cédric, pour faire du sport, tu devrais t'y mettre. Non, non, mais ça, moi, je voulais pas m'y mettre justement. Il y a deux mecs qui ont un accident. Apparemment, il y en a deux là dans le studio là, ou à côté. Ah ouais. Ils sont. Mais avec Romano, il a plus de télé. Quoi? Attends. Romano, il a plus de télé. Attends, je l'attrape. Alors, Cédric va attraper un Pokémon. Comment on fait? C'est qui tu vas attraper? Faut faire comme ça. Tu joues à ça, toi? Faut faire comme ça. Mais bien sûr. Ah ouais, t'as au-dessus de ta tête, tu fous le bouge pas. Au-dessus de ma tête, vas-y, nique-le, Cédric, nique-le. Attends, putain, merde, j'arrive pas à. Capture, Cédric, capture. Comment tu fais? Oh là là, mais t'es. Bon, on m'a expliqué. Voilà, donc... Il y a une photo après. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Je fais une photo. Bah, il te. La gueule à Difool. D'accord. Tu vois, si tu veux dégoûter ton pote de jouer au Pokémon Go, tu lui refiles Cédric. Pendant tout un week-end, tu lui dis qu'il va à la chasse au Pokémon avec Cédric de Skyrock. Ah, c'est ça, regarde. Voilà. Il faut l'envoyer comme ça. Et Cédric est incapable de capturer un Pokémon qui est sur ma tête depuis tout à l'heure. Eh, mais je croyais que c'était le bâtard. Il est sur mon nez, le Pokémon. Vas-y, chope-le, Cédric. Mais je te jure. Mais chope-le s'il est sur mon nez, abruti. Il est posé sur ton nez, mais c'est un genre d'oiseau. Il y a Kalagan, mais lui qui est complètement taré. Il y a un jour, j'ai marché 17 km dans une journée pour aller à la chasse au Pokémon. C'est ça, Kalagan. Ça promet. Ah, c'est bien. Non, mais lui, il est à donf. Hein. Je sais, ouais. Ah, il est à fond dessus, lui. Hein. Mais il y en a plein qui nous ont laissé des messages. Raconte-nous, Kalagan, là, quand t'as fait le Pokétrain, là. Le Pokétrain. Qu'est-ce que c'est, le Pokétrain? Non, mais je sais plus, c'est dans une. Je sais plus, je pense que c'est du côté de. De chez Kalagan, là, du côté de Caen, dans le Calvados. Mmh. En fait, ils ont fait un truc. C'est, tu sais, les petits trains qui te font visiter les villes. Tu sais, il y en a dans plein de villes touristiques. Ouais. Difool, où? Oui, non, mais il y a Cédric qui essaie d'attraper un Pokémon sur mon nez. Il y a le train, là. Ouais. Les petits trains qui font visiter la ville. Eh ben, tu peux faire. Tu prends pour les choper, en fait. Ouais. Et en fait, il faut une balade et ça s'appelle le Pokétrain, je crois. C'est le Pokétrain. Non, mais sinon, il y a plein qui font du vélo, depuis qu'ils jouent à Pokémon Go. Ouais, ouais, ça fait sortir. Non, mais il faut faire gaffe, j'ai des accidents, j'ai des mecs qui jouent en bagnole. Mais aux États-Unis, sur les trucs d'autoroute, il y a écrit, ouais, conduisez, ne jouez pas à Pokémon Go. Voilà. Et Cédric était toujours en train d'essayer d'attraper un Pokémon dans le studio. Il y a une chauve-souris sur ton crâne, gros. Et ouais, moi, j'habite à la campagne. Donc, pour trouver des trucs, comme disait Romano, des arènes ou des Pokéstops, il faut marcher beaucoup, beaucoup, beaucoup. Non, mais là, c'est. Je vais devenir marathonien, si je continue. Vraiment, à Pokémon Go, là, je vais devenir. Cédric vient d'abandonner les Pokémon Go, c'est fini. Ah, ça m'a cassé. C'est les couilles, ça marche pas leur truc. Mais c'est pas ce que tu sais pas faire. C'est dommage, parce que pour son régime, c'est facile. C'était top. Non, mais personne n'y arrive dans le studio là. Bon, et toi, mais tu l'as dit à ton pote que ce serait bien de. Bon, que c'est bien Pokémon Go, mais que ce serait bien de faire autre chose. Non, mais c'est mon meilleur pote. Non, mais justement, tu peux lui dire, tu casses les couilles avec ton Pokémon Go. Non, mais je pense que c'est ça. L'amitié, c'est ça. L'amitié, c'est l'amour sans se toucher. Non, mais je pense qu'il faut pas s'inquiéter. Il faut faire des concessions dans l'amitié. Moi, je pense que ça va s'arrêter tout seul, les Pokémon Go. Non, mais je pense que c'est qu'une vague aussi que ça va retomber. Il y a des gens qui sont. C'est vrai que ce genre de jeu, c'est addictif. Candy Crush et tout, pareil, ça s'est arrêté au bout d'un moment. Là, c'était calmé. Ouais, et t'as des vagues de nouveaux. Bon, après, t'as des vrais. T'en as qui s'arrêtent jamais. Hein. Les vrais dingues. J'allais dire, t'as des vrais tarés. C'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. T'as des vrais dingues. Le mec, dans 5 ans, il sera toujours à la chasse aux Pokémon. Ça y est, on a chopé la chauve-souris sur ton nez. Ah, merci d'avoir chopé la chauve-souris qui était sur mon nez. On l'a mis dans le potier d'Ex. Très bien. Et on a chopé. On l'a mis, vu la place qui est sur le nez. On est Roucoule maintenant. Roucoule. Il est où, Roucoule? Vas-y, il est sur mon casque, viens ça, là. Bon, merci, Benjamin. Et puis tu salueras ton pote alors. Ben, de rien, ben, je vous remercie. Et puis on salue tous les accros à Pokémon Go. Ouais, Mendy. Ouais, salut. Salut à toi. L'équipe. Salut, Mendy. Salut, t'es à Avignon, toi aussi? Ouais, c'est ça, ouais. Eh ben, salut à toi, Mendy. Alors, qu'est-ce que. Oui, toi, tu nous appelles parce que t'as l'impression de t'être fait arnaquer. Ben, je te mettrai dans un instant en contact avec le spécialiste des arnaques que vous connaissez. C'est Romano de Bourgogne lui-même. Exactement, en personne. Spécialiste des arnaques. T'as fait quoi, toi, Mendy? Bah en fait j'ai vendu une PS4 il y a une semaine. Ouais. Et le gars il m'a payé par chèque et m'a donné pièce d'identité etc en photocopie, il m'a fait un papier et là le chèque il vient juste d'être refusé du coup je sais pas quoi faire. Ah ouais, bah t'es fait niquer. 400 euros donc. Combien? 400. 400. Ouais. Bah, t'es fait niquer. Pas mal. Déjà première erreur commise, ne jamais sur les trucs comme ça sur le bon coin et tout ça jamais accepter les chèques, ne jamais prendre des chèques. Que du cash. Ouais, bah ouais, mais après avec tes identités et tout, je me suis dit ouais, c'est bon. Mais t'as pas vu que c'était pas un statut. Non, mais la pièce d'identité, c'était quoi l'original ou c'était genre une photocopie d'une pièce d'identité? Non, il a donné l'original et tout, mais bah nous on a photocopié tout à la maison, mais après le gars. Mais tu l'as vu le gars? Tu l'as vu sa tête? Ouais, il est venu et tout. C'était la même tête que sur la carte d'identité. Ouais, ouais. Bah tu sais, s'il a fait bloquer son compte, t'es baisé. Merci Cédric. Oui, c'est sur cette drôle. Bon. Ah, super Marie. Et pour Mendy? Non mais attends, ouais, Mendy il a vendu un truc. Marie, le mec t'a fait un chèque, t'as son adresse, t'as sa carte d'identité. Sauf si l'adresse elle est plus valable. Ouais, j'ai même appelé son numéro. Et alors, tu peux faire quelque chose, non? J'ai appelé son numéro, je suis tombé sur une dame, elle me dit que c'est une personne âgée, que c'est pas son nom de famille ni rien, alors qu'il m'a envoyé des SMS avec son numéro. Ah ouais, donc en fait, chaque fois que t'appelles, il dit ah tiens mamie, réponds. Ouais, c'est ça. Non ouais. Mais le mec, moi je pense qu'il t'a couillé, hein. Il y a rien à faire. Je crois qu'aussi que tu t'es fait baiser. Bah, le problème, c'est qu'il y a aucune trace, tu vois, le mec, il y a la trace de la carte d'identité. Bah, j'ai la carte d'identité. T'as son chèque? J'ai pris la photo de son chèque. T'as les deux. Mais le chèque, il est revenu, j'ai fait signer un papier comme quoi il avait bien acheté la PlayStation par chèque. Il a bah, à ce moment-là, va voir les keufs. Ouais, va voir les keufs. T'as essayé de l'appeler combien de fois, le mec? Bah là, je l'ai appelé 3 fois, là, tout à l'heure, parce que t'avais envie d'être refusé, là, ce soir, là. Du coup, j'ai appelé, une manie au téléphone, quoi. Mais appelle en masqué, peut-être. Ouais, il faudrait que j'appelle avec un autre numéro. Ouais, ou un autre numéro. Mais il est revenu parce qu'il était. Bah sinon, non, mais au bout d'un moment, si le mec il répond pas, tu t'es fait couiller 400 balles, tu vas chez les keufs, tu dis voilà, moi j'ai passé. Voilà ce que le mec m'a laissé, machin, est-ce que le mec vous pouvez le retrouver hein. Ah, faut qu'il y ait avec l'annonce et tout. Oui, bah oui, c'est ça. Ouais. T'imprimes l'annonce. Faut que t'amènes toutes les conversations que t'as eues avec le mec. Arnaque sur le net. Ouais, voilà, ouais, et les mecs. Ouais, j'ai eu qu'une conversation par téléphone, après par SMS, il m'a juste dit qu'il prenait la route et qu'il arrivait dans 1h30, quoi. Ouais. Non mais amène les papiers, tu sais, la photocopie de sa carte d'identité, le papier que tu lui as fait signer comme quoi il t'avait acheté la PS4, machin. Ouais, et il va même ramener son livret de famille. Mais non, mais je te dis, c'est chelou. Moi, tu vois, parce que jamais tu vas. Moi, j'ai déjà vendu des trucs sur le Bon Coin ou eBay. Jamais les mecs ils t'amènent le livret de famille. Tu vois. C'est quand même bizarre. C'est genre le mec qui veut faire, il veut trop faire. Les enfants. Tu sais, il veut faire le mec trop honnête pour le. Pour être, ça prend un peu, tout est faux ces papiers. Hein. Tu sais qu'on dit trop poli pour être honnête. Ouais, c'est ça. Donc on appelle en fait celui à qui t'as vendu la PS4 et qui t'a payé un chèque en bois. Oui, bonsoir, monsieur. Non, c'est une madame. Ah, excusez-moi, est-ce que je pourrais parler à votre mari, s'il vous plaît? Ah, vous m'excusez beaucoup, mais mon mari est décédé il y a des années. Ah, et vous avez un fils? Oui, mais il a 50 ans. Ah bah... Ah oui, effectivement, oui. Est-ce qu'il joue à la Play? La PlayStation? Pardon? Est-ce qu'il joue à la PlayStation? J'ai rien compris. Est-ce qu'il joue aux jeux vidéo? La console de jeu électronique. À son âge, quand même. Ah, ouais, y a pas d'âge, madame. À son âge, et en plus, il a un problème. On voit pas. Il est schizophrène, alors. Ouais, c'est ça. Oui. Schizo, c'est plutôt toi, mais bon. C'est ça. D'accord, très bien. Est-ce que tu connais un Mendy? Pardon? Tu connais un Mendy? La PS4, on aimerait bien la récupérer, dis donc. Bah, ou la PS4, ou le chèque. Escroc! Mais c'est lui. Moi j'ai l'impression que c'est de la saloperie. Non mais oui, non, mais c'est lui, c'est obligé. Bah oui, bah, mon fils est schizophrène. Ouais, c'est un grand temps. La spéciale du dimanche soir, le meilleur de Difool. What the fuck? Jusqu'à minuit sur Skyrock. Avec l'arrivée de Nico. Nico, lui, il a 29 ans. Il est marié, il a 2 enfants, il est routier. Jusqu'ici, tout va bien. Il a réussi à mettre à bout de nerfs toutes les auditrices de Skyrock. On le retrouve dans moins d'un quart d'heure. Juste avant, vous allez retrouver Iker. Iker, lui, à la rentrée, il va avoir un prof. Il va reprendre ses études au mois d'octobre. Voilà, il a eu son bac il y a quelques semaines. Et son prof, il va avoir un prof. Son prof, c'est quelqu'un de connu. On va parler de tout ça. L'arrivée également de Dylan qui a un petit problème en fait. Sa chérie est complètement droguée. On reparle de tout ça avec Difool, Romano, Lamarie, Samy, Cédric et Karim. C'est juste après Shai qu'on écoute tout de suite. Shai, la rappeuse belge avec PMW dans la spéciale de Difool. Plus écouté que Hot 97 à New York. Plus écouté que Power 106 à Los Angeles. La radio rappée R&B la plus écoutée au monde, c'est Skyrock. Skyrock, première radio urbaine mondiale. Jolie course, t'as progressé. Ouais, si ça pouvait être pareil avec les nanas. Pourquoi t'essayes pas de discuter par SMS? Envoie chat CHAT au 62333, le chat avec photo. Chat CHAT au 62333. Concert. Il va mettre le feu. En 2017, Soprano choisit encore Skyrock pour sa nouvelle tournée dans toute la France. En concert partout en France pour terminer sur la scène de l'Accor Hôtel Arena de Paris le 30 septembre et au nouveau stade Vélodrome Orange de Marseille le 7 octobre 2017. Ouais. Yeah, c'est Soprano. En tournée dans toute la France avec Skyrock. Plus d'infos sur Skyrock.fm et l'appli radio Skyrock. Comment la séduire? Plutôt jean ou survette? Comment choper des Pokémon rares? Ce soir, on regarderait quoi comme série? T'as des questions? Va sur Yax. Le peuple Yax te répond instantanément. Yax, l'appli sans prise de tête pour balancer tout ce qui te passe par la tête. Y'a plus qu'à télécharger. Yax, YAX. Freegun fait sa rentrée avec des centaines de fringues à prix canon. Sweat, t-shirt, casquette, parka, doudoune. Avec la nouvelle collection déjà en rayon et toujours tous les maillots et boxers pour un été trop stylé. Freegun, le choix sans se ruiner pour toutes les nanas et les mecs d'aujourd'hui. Freegun, dès maintenant sur le site officiel freegun.com et sur la page Facebook Freegun pour suivre tous les délires de la team Freegun Never Stop. Retrouve la ligne en exclu chez freegun.com et les points de vente habituels.

Je vais dans l'école dont je t'avais parlé. Tu te rappelles pas, Romano? Non. Bah vas-y, redis, Mickaël. Romano n'a pas de mémoire. C'est parce que le cerveau, il n'est pas protégé par les cheveux, donc forcément, il y a des informations qui sortent du cerveau comme ça. Normalement, je vais faire l'école du public. Ah, l'école de radio. Ah, bah, ce serait peut-être ton professeur, alors. Ouais. Donc, t'auras peut-être Romano comme prof l'année prochaine. Bah, c'est possible. Bon, bah, bravo à toi, en tout cas. Merci, l'équipe. On est content pour toi. Puis donc, demain, tu sais quand pour ton école, là? T'es sûr que t'y vas? J'ai fait les dossiers d'inscription je commence en octobre, rendre les papiers. Et ben voilà, Romano, peut-être un nouvel élève pour toi. Romano, professeur. Putain, ça te file un coup de vieux, ça. Tu vas me dire, t'as des profs jeunes aussi, hein. Bah ouais, mais je suis jeune, j'ai 21 ans. Oui, je sais. Bon, donc, y a aucun problème. Bon, ben, très bien. Bon, Romano, prof. Et pour Iker l'année prochaine, tu me diras, les saloperies qu'il te fait, tu nous... Non, mais c'est pas sûr que je l'ai, hein. Bah, faut le prendre. Faut le prendre. C'est pas moi qui décide des classes. c'est pas bon d'école. Romano. Ouais. Prends-le. Romano, si t'es mon prof, cool, hein. Non, mais je serais cool. T'as un auditeur de Skyrock, donc tu seras déjà privilégié. Et bah, s'il y a un mec qui te dit, je sais pas, qu'il écoute une autre radio, je ne sais pas, par exemple, Chérie FM. Non, mais il y en a. Qui écoute Chérie FM à 20 ans. Ouais, ben bah ouais, tu sais, il y a des mecs qui me disent, si je leur demande, genre, vous aimeriez travailler où, quoi. Ouais. Et je sais plus, je crois que j'ai eu un ou deux mecs qui m'ont dit Chérie FM. Tu sais, j'ai rien dit, les pauvres, j'ai pas leur. Faut pas leur briser le rêve. Non mais bon, après tout, il en faut, tu vois, c'est... Non mais c'est très bien, on salue d'ailleurs tous les collègues de toutes les radios, bah c'est mais sûr. Après ouais, c'est... J'aimais travailler à Radio SM, Romano. Oui, la radio des sadomaso de Bourgogne. Exactement, Radio SM, il a travaillé à Radio SM. Non, moi aussi j'ai fait d'autres radios avant Skyrock. Non mais après, c'est une histoire, bon, chacun ses goûts, hein. Oui. Tu vois, non mais si un mec qui me dit... Après tout dépend comment le mec... Je pense que sur Chérie FM, j'aurais peur de m'endormir pendant les 10. Non mais c'est vrai, c'est au bout de... Je sais pas si je tiendrais 3 heures d'émission. Je pense qu'au bout de 2 heures, même avant peut-être, 2 minutes, 2 minutes 10, je pense que je m'endors. Tu piquerais du nez? Oui. Ah bah surtout, j'adore Céline Dion. Et vu que Difool, toi tu la détestes. Ah ouais, je vraiment Céline Dion. T'as pas vu, elle a chanté Aller les Bleus à son concert. Ah ouais, elle a porté la poisse. Porte-nous pas la poisse. Mais parce qu'elle faisait, elle fait des concerts en ce moment. Bah ouais, elle était à Paris là. Bah écoute, Iker, on te souhaite bonne chance pour l'année prochaine en tout cas. Ok, bah merci. Et on est très content que t'aies eu ton bac, ça nous fait plaisir. Merci. Bah oui. La spéciale du dimanche soir, le meilleur de Difool. What the fuck? Jusqu'à minuit sur Skyrock. Avec l'arrivée de Nico, l'homme qui a réussi à mettre à bout de nerfs toutes les auditrices de Skyrock. C'est juste après Ken Jones dans la spéciale de Difool. Hola, na. She telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from. No matter to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she said, sabase. And I said, nabule. No matter where I go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she said, sabase. And I said, nabule. No matter where I go. You know I love them all. African American. For sure, I told her, baby, come and ride the rodeo. Every time I come around, man, I go for broke. She give me desktop till I overload. Now, baby, you gon' go where you're supposed to go. Cause I ain't got time for you every day. She said she got a man, keep it on the low. I said he don't speak English, the fuck he gon' say? Hey, telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from. No matter to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she said, sabase. And I said, nabule. No matter where I go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she said, sabase. And I said, nabule. No matter where I go. You know I love them all. She from Africa, but she fuck me like she Haitian. Ass black, but the miles looking Asian. I gave her the can in Kansas. I got it on tape. She on candy camera. Okay, see, I forgot we met at Oklahoma. I used to smoke Regina. She from Arizona. Then I met a girl in Cali. I never disown her. She got that high grade. Her weed come with diplomas. I want her, but she keep telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from. No matter to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she said, sabase. And I said,

Dimanche soir, on est tous ensemble. C'est la spéciale avec le meilleur de Difool. On va filer dans la friend zone avec Ted, auditeur de Skyrock. C'est juste après un double double de double appel à la suite. C'est maintenant sur Skyrock. Allô. Aucun des deux n'a appelé l'autre. Ah ben, c'est vous qui avez appelé. Le double appel de Difool sur Skyrock. Hein? Ah, il y a des Portugais là. Ah oui, tu nous as dit que tu les appelais Portugais. Alors les Portugais. Très bien. Fernandina et Lucie. Très bien, des femmes. Ouais. Les femmes sont à l'honneur. On va peut-être tomber sur les maris, on sait jamais de toute façon. Déjà, on va peut-être tomber sur personne aussi. Ah, oui. C'est bon. Allô. Allô. C'est bon. Ben, je vous écoute. Oui. Ben, je vous écoute. Oui. Oui, moi aussi, je vous écoute. Ben, je viens d'avoir un appel. C'est pas moi qui appelle. Vous? Non, non, non, c'est pas possible. Je ne vous ai pas appelé. Hein. Non, je dis, c'est pas moi qui a appelé. C'est vous, là, qui m'appelez. Oh, non, non, madame, vous vous trompez, hein. Ah, bah, je viens de décrocher, moi, ça sonnait, je viens de décrocher, donc quelqu'un m'appelle. Ah, non, non, je ne veux pas appeler. Ah, ça, si je dis que je ne vous ai pas appelé, c'est que je ne veux pas appeler. Pourquoi? Le loup? Oui. Patrick? Ah, je ne connais pas Patrick, moi. Je suis en train de me masturber, là. Quoi? Ouais, je suis en train de me branler, là, bien comme il faut, là. Ah, mais désolé, c'est pas ici que vous inflez le chanson de cheval, c'est à votre femme plutôt, hein. Et encule-le. Bah, vous êtes en train de vous tromper, là, vous m'appelez, là. Au revoir. Et encule-le. Vous êtes des saloperies, hein. Oui, non. Ah, vous êtes des saloperies. Ouais, saloperies. Bien, merci Fernandinha. Hein, Fernandinha. Ah, Portugal. Portugal. Et merci la deuxième, je sais comment elle s'appelait, mais merci. Lucie, merci Fernandinha, j'ai Lucie. Ah, attention, c'est reparti. On y va. Claudine et Daniel. Allez, c'est reparti, mon kiki. Je vérifie vite, Janina. Oui, non. Du calme, Romano. Je suis prêt. Moi. Oui, non. Prêt à intervenir. Oui, allô. Allô. Allô. Oui, oui, bonjour monsieur. Oui, allô. Allô. Allô. Oui. Bah alors, c'est quoi de ce truc là? Allô. Allô. Oui. Allô. Allô. Vous êtes qui? Bah et vous êtes qui? C'est pas moi qui appelle, hein. Bah, attendez, je viens de recevoir un appel et on me disait allô et vous n'entendiez rien. Bah écoutez, c'est vous qui avez appelé, c'est... Non. Bah écoutez, si, franchement, si. C'est pas nous qu'on a appelé, hein. Bah c'est quoi de ça? Oh, ça commence à bien faire votre cinéma, là, hein. Oh bah c'est pas moi qui téléphone, hein, sur je regrette, hein. Bah... Patrick. Bah c'est pas moi qui vous a téléphoné. Absolument. Bah c'est pas moi, je vous dis. Allô. Patrick. C'est... Ok, l'honneur, s'il vous plaît. Patrick. Non, mais vous vous foutez de ma gueule ou quoi? Absolument, oui. Ah non. Ben non, on n'appelle pas. Au contraire, on est dérangé chaque fois. Tiens, prends ça. Et quoi, tu fais des conneries derrière? Non, mais vous êtes pas bien ou quoi? Laisse tomber, raccroche. T'es en train de te faire baiser ou pas? Quoi? Vous n'avez même pas à me tutoyer, monsieur. Ça commence à bien faire, hein. Vous allez arrêter, monsieur, d'harceler les gens, hein, parce qu'il y a des témoins. Témoin. Ouais. Et quoi? Témoin. Dites, c'est quoi votre cinéma? Cédric. Oh, vous me faites chier. Cédric. C'est pas moi. Voilà, je me débarrasse de Cédric. Qu'est-ce que je fais? Cédric. Oula. Allez, on va dans le 62. Allez, bah, les deux, ils sont dans le 62. On va dans le 62. Et les deux, ils sont dans le 62. Jonas et Didier. T'as des sons, Cédric? Ah, oui, oui. Allô. Quel numéro vous avez fait, s'il vous plaît? Quoi, c'est moi qui appelle, t'es pas bien, non? Allô? Allô? Oh là, il y a nos 3-4 là-dessus. Bah, monsieur, ça sonne chez moi, je regrette, c'est marqué un appel masqué. Non, mais ça va pas, là, non, on est au moins à 3 sur la ligne, là. Oui, mais qui êtes-vous, monsieur, s'il vous plaît? Non, mais dis donc, viens me trouver, t'as beau voir, vu que je vais t'arranger, moi. Dans le 62? Ouais, bah, viens, tu me dis, vas-y. Oui, mais d'où? Arrive? Non. Qui? Ah ouais, toi, t'es de sur ma peau. T'es de ma peau, toi. Bah écoutez, je comprends pas, monsieur, on va... Patrick, je comprends pas. Patrick. Personne comprend. Bah, avec un nom comme ça, t'es pas yolé. On ne va pas converser plus longtemps, parce que... 21. Ah, viens. Comment? T'as qu'à venir, espèce d'andouille, il va. On entend quelque chose, là. Regarde, il y en a trois là-dessus. Comment? Le caca, c'est bon. Bah, qu'est-ce qu'il se passe? Tue-toi, espèce de gamin, va. Encule-le. Tue-toi, abruti, va. Bah, écoutez, ce n'est pas moi qui tient ces propos, monsieur. Ça fait trois fois qu'on m'appelle. Vous allez arrêter, là, parce que je vais voir c'est quoi votre numéro, hein, si ça continue. Hein, moi, je vous appelle pas, ça fait arrêtez trois fois qu'on m'appelle. C'est bon. Tue-toi, va, andouille. Le petit gamin. Bah, et t'as pas l'air de t'imaginer que je peux trouver ta numéro puis aller porter plainte, moi, espèce d'enfoiré, va. Bah. On va pas converser avec une bande de cons, hein. Tais-toi, enculé, va. Eh ben, merci beaucoup. Oh, et ben voilà. La spéciale du dimanche soir, le meilleur de Difool. What the fuck? Jusqu'à minuit sur Skyrock. Bon, alors, Ted, toi, t'as fait un truc de fou pour. Enfin, de fou pour une meuf. T'as fait un truc spécial, t'aurais pas fait si c'était pas pour ta meuf. Ouais, enfin, c'est pas ma meuf. C'est quoi? C'est compliqué, mais ouais, en gros, ouais, c'est... c'est une meuf avec laquelle t'as envie de sortir, mais c'est pas ta meuf, alors. Voilà. Donc, en fait, je t'explique le truc, c'est que moi, en fait, à la base, je suis en études, en licence, en Grenoble. Mmh. Et l'année dernière, en fait, j'avais pensé à me barrer, en fait, de Grenoble pour aller en Allemagne, à Munich, pour suivre une école d'art. Ah, parce que... Et, oui, j'ai compris. Ouais, et du coup, ça fait que je l'ai pas fait, parce que du coup, ben, j'ai une pote... qui je me suis vachement attaché l'année dernière, avec qui je voulais rester. Donc t'es resté à Grenoble en fait, alors que t'avais une école qui t'intéressait à Munich. Voilà, là, t'aurais peut-être ça. Vu Franck Ribéry en bavarois. Et donc toi, t'es resté là, mais t'as fait quoi pendant un an? T'as trouvé quand même un truc qui t'intéressait ou tu t'es fait chier pendant Du coup, un an? J'ai retapé ma licence du coup, sauf que cette année je l'ai pas eu. Ouais. Parce que autrement de dire, hein, je m'en battais un peu les couilles. Ouais, en fait, t'allais juste en cours pour cette meuf quoi. Ouais, en gros, ouais, c'est ça. Mmh. Et parce que c'est elle qui m'avait un peu beaucoup poussé pour que je continue. Mmh. Et le truc en fait c'est que du coup bah cette année j'ai je lui ai dit grosso modo que je voulais essayer d'être avec elle. Et il y a eu le moment fatidique où elle m'a dit bah j'ai besoin de réfléchir. Ah ouais. Là ça pue quand c'est on dit ça. C'est pas bon, c'est fatidique. Ouais, j'ai besoin de réfléchir. Et là va réfléchir pendant un an, deux ans, trois ans. Non mais là ça fait bien deux mois là, deux trois mois. Ouais, quand non mais de toute façon c'est que la meuf ouais en gros elle veut pas de toi quoi, ça c'est. Bah ça m'a l'air assez clair. Bah casse-toi à Munich. C'est compliqué parce que tu veux que je t'explique avec cette nana, en fait elle et moi on a déjà eu quelque chose de plus. Un rapport sexuel. Absolument. Voilà. Absolument. Oui, voilà. Et alors c'était bien. Quand c'est arrivé, t'étais pris par surprise ou tu t'y attendais? Comment c'était? Bah je m'y attendais pas du tout en fait. Est-ce que tu étais propre? Parce que t'avais les couilles rasées. Toujours la classe, en toutes circonstances. T'imagines, t'es pris par surprise. Ouais. Mais c'est parfois il faut, tu vois, si tu as juste. T'as peut-être gâché une année d'études. Après, bon, c'est fait, faut pas regretter, hein, c'est la vie. Ouais, ouais, mais de toute façon, je regrette rien, je l'ai fait et je l'assume totalement, tu vois. Après, maintenant, il faut peut-être arrêter, c'est ça que je voulais dire, Ted. Ouais. Pendant un an, t'attends, l'autre, ça fait deux mois qu'elle te fait attendre parce qu'elle réfléchit, mais elle réfléchit lentement. Ah ouais, deux mois, c'est long, hein. Oui, c'est long, hein. Ah oui. Non, mais en fait, c'est compliqué. Non, mais c'est mort, ton truc. C'est compliqué. Bah, c'est mort, non, Marie. En il fait, y a des chances, c'est je le sens pas bien. Moi non. Non, mais c'est chelou, mais attends, t'as réussi. Marie, c'est génial. Merci, Marie, tu me remotives à fond. Mais Marie est toujours là pour vous motiver. Non, mais moi, je te dis ce que je pense. Ah, moi, je suis un peu de la vie de Marie. Si tu veux, la meuf, elle te dit, ouais, je réfléchis. Bon, déjà, elle est quand même un peu longue à la détente. Elle réfléchit, ça fait deux mois. Quand t'as envie de quelqu'un, tu sautes dessus, puis basta. Oui, voilà. Mettre deux mois, dire bon, alors. À mon avis, la meuf, elle sait pas comment trop te dire non, et voilà, elle a esquivé le truc en disant, là, je réfléchis. Peut-être qu'elle hésite vraiment, tu vois. Attention, opération. Canard, on a une réaction de Ryan qui est avec nous. Alors Ryan, du 93, est à 16 ans. Salut à toi Ryan. Oh là, je dis coin. Pourquoi? Canard, ta direction canard. Ah, oh là là. Mais oui, Cédric, coin. Salut Ryan. Bonsoir. Comment ça va? Salut, Ryan. Ça va bien Ryan. Donc 16 ans, 9-3, t'es où dans le 9-3 toi Ryan? Ryan, toi tu nous appelais parce que t'es un des potes qui fait trop le canard toi, c'est ça? Ouais. On s'est demandé ce que vous aviez fait comme truc de fou pour une meuf. Je me suis aussi rappelé parce que pendant que j'attendais, oui. Il a fait vraiment un truc de fou, Qu'est-ce qu'il a fait? En fait, en terminale, on doit mettre nos vœux pour les concours, etc. Ouais. Ça va déterminer tout l'avenir. Oui, c'est vrai. Et genre lui, il a changé l'école qu'il voulait faire en ingénieur pour mettre la même que sa feuf. Oh, c'est mignon. Ouais, on essaie de lâche. Qui partait en couture. Mais c'est mignon. C'est le lâche après. Ouais, mais la meuf, ouais, le mec, il est con. Bah, il fait un truc d'ingénieur, je sais pas, mais enfin, il a quand même changé sa première école, quoi. Ah, c'est son avenir. Ah, mais c'est vrai que c'est con, parce que c'est son avenir, quoi. Et puis la meuf. Non, mais surtout pour être dans sa classe. Quand on aime quelqu'un, on n'a pas besoin d'être avec tout le temps, déjà. Sinon, ça veut dire qu'on va se cacher. Non, mais en plus, tu sais qu'il sera pour un peu, il sera même pas dans sa classe. Parce que par exemple, bah, ouais, je sais pas, dans une autre école. Dans une école, il peut y avoir plusieurs classes de la même filière. Et il sera comme un couillon. Et en plus, se lancer dans un truc qui lui plaît pas forcément, bon, juste pour une meuf. Ouais, c'est un peu dangereux. Avec des prétextes. Il a changé. Et par rapport à toi, il est comment? Il est toujours pareil ou il est plus pareil? Ah non, il a changé. Puis même, il y a des trucs du quotidien qui sont encore plus canards, mais vous allez rigoler, je pense. Alors, vas-y, tu vois, écoute bien, Ted. Il faut pas tomber là-dedans. J'écoute. Non, mais je compte pas tomber là-dedans. Alors, matin, t'as fait presque la même chose, Ted. Hein. Ouais, pas loin. Ouais, mais parce que j'ai quand même fait les études qui me plaisaient quand même un petit peu, tu vois. Juste que, voilà, c'était pas forcément le truc où je voulais être en premier. Eh, je comprends, mais écoute bien. Alors, attention, canard numéro 2. Toujours le même pote, hein. Coin, coin. Tous les matins, il tape des gros détours. Pour terminer le chemin avec elle, même s'il y a 300 mètres, il va taper un gros détour pour le faire, l'attendre, etc. Ouais. Oh, il aime, bon, ça j'ai déjà fait. La compagne, pourquoi pas. Ouais, oui, bon, ça, il y a pire. Ouais. Bon, on a déjà fait. La cantine. Ah, si, c'est pas tous les jours. Le plateau. Ah, il a porté le plateau. Ah, là, c'est plus simple. Non, mais il est galant. Il a délaissé tous ses potes. T'as dit le truc délacé, là? Ah oui, il lui fait ses lacets. Mais pourquoi la meuf, elle a quel âge? Mais la meuf, elle arrive pas à se baisser. Non, mais elle prend pour un pigeon. Non, mais elle est peut-être très jeune, elle a quel âge? Comme ça, lacets. 18 ans. Ah, attends, bon, ça me rassure. Oui, non, mais elle a, je veux dire, elle a pas de problème de dos, elle arrive à se baisser, logiquement. Non. Ah oui, elle a des bras, elle a des mains. Ça, c'est spécial quand même. Non, mais le mec, c'est l'arbin de la meuf. Non, mais c'est vrai. Ah oui, non, mais attends, t'es lacets. Tu sais, c'est abusé, tu sais, la meuf, ouais, fais-moi mes lacets, mais va te faire mettre. En gros, c'est ça. Voilà. Non, mais bon, c'est mignon, ils doivent être mignons tous les deux. Ah ouais, c'est super. Ah non, moi, je trouve ça cucu, moi. C'est ça? Ouais, c'est vrai. Ah, c'est ça? Ah oui, c'est parce que. Quoi? Eh ben oui, forcément. Marie, qu'est-ce que t'as fait pour un mec, toi? Oh, putain, mais tu sais que je réfléchis. Rien. Absolument rien. Un jour, je lui ai donné une gorgée de ma bière. Si, non, mais. Et c'était déjà beaucoup. Et c'était déjà pas mal. Non, mais si, quelquefois, je me suis tapé genre des dîners, tu vois, pour le suivre, des dîners d'affaires, ouais, des conneries envie, qui me font chier. Des dîners d'affaires, mais Marie sortirait avec un trader. Des dîners d'affaires. Ou un PDG. Ah ouais. Avec Camille Gardien. Ouais, avec des clients, machin. Donc t'es obligé de te coltiner toute la soirée. Des gens dont tu te fous, hein. Genre, t'as fait l'escorte girl, quoi. Ouais, non mais tu vois, de faire le détour. Girl, mais c'est mon mec. J'ai un ami personnel que je ne citerai pas, bien sûr. Salut les filles. Je veux maintenir son anonymat intégral. Qui a déjà acheté. Écoutez bien. C'est assez incroyable. 4 tablettes à Noël. 4 iPad. Oui. Non, c'était même pas des iPads. Pour ça. Ah non, c'est Samsung. C'était les Galaxy Tables. Voilà. Table. Non, vous avez des Galaxy Tables chez vous? Non, Galaxy. En fait, c'est bien parce que c'est les nouveaux Galaxy, tu peux manger dessus, mais en plus, tu peux aller sur Internet. C'est le Galaxy Table. Ah, bah ouais. Il existe également en version table allongée pour les enfants. Galaxy Table. Et table à repasser également. Ouais, et évidemment, bien sûr, le célèbre table à repasser pour les mamans. Ben évidemment. Et les papas qui adorent repasser. Ça va de soi. Votre non, mais là, c'était un peu pire. Il avait acheté 4, un pour ta meuf et 3 pour la maman. La famille. Toute la famille, quoi. Non, mais t'es un peu pigeon. Non? Si. Bah non, c'est pas grave. Tu fais plaisir en même temps. C'est pas grave, Cédric. Ta mouche. Mais dis-le! Non. De toute façon, même toi, tu te rends compte que t'as été appelé. Non, même pas, t'inquiète. Non, mais je dis pas d'acheter un truc, oui, mais de là acheter un truc à, je sais pas combien ça coûte ça. Toute la famille. 300 euros. Hein? Les trois? Non, une. Ouais, voilà. Aïe. Ah, quand même, ça fait. Ah, bah oui, forcément. 200 et quelques, je sais plus. Ouais, non, moi, donc ça va être 900 euros. Voilà. Ah ouais, quand même, t'as lâché. Ouais, mais quand on aime, on ne compte pas, mon ami. Ah ouais, bah moi, je compte toujours. C'est ça, l'amour. Ouais, enfin non. Bon, on a Arthur aussi qui voulait réagir, donc j'espère que ça va te calmer, ça t'aide. Salut l'équipe. Ça va, Arthur? Ça va et vous? Alors, Arthur, qu'est-ce que t'as fait, toi? Qu'est-ce qui t'arrive avec les meufs? Est-ce que t'es du genre pigeon, canard, du mec qui tombe très vite amoureux, qui fait tout pour la meuf? Bah, en fait, on va dire que je suis plutôt un pigeon. Ah bah, écoute, c'est bien de s'en rendre compte. Un pigeon? Oui. Ouais, voilà. Alors, pourquoi? T'as fait quoi, toi, Arthur? Bah, en fait, je préfère les filles, en fait, m'utiliser parce que soit j'avais le permis, ou soit parce que, maintenant je travaille. Ah, tu étais un peu taxi Uber avant l'heure, quoi. Ah ouais, voilà. Taxi gratuit. Non, mais ça, c'est vrai. Et donc, à la fin, j'ai découvert, en fait, que les filles j'étais avec me trompaient. Ah, tu servais genre juste de taxi, mais t'arrivais à coucher avec, quand même. Ouais, oui. Ah bah écoute, c'est déjà ça. Ouais, bon, après, toi, t'étais amoureux, t'étais comment? Bah amoureux, j'étais vraiment amoureux. Bah après, par exemple, la première, j'ai découvert quand elle m'a trompé, c'était le jour que je rentrais plutôt du boulot. Non mais est-ce que t'es sûr? Bonne surprise. Non mais est-ce que t'es sûr qu'à la base, elle sortait avec toi juste parce que t'avais la caisse? C'est quand même, j'imagine, tu leur plaisais quand même un minimum, sinon c'est quand même des pauvres filles, quoi. Sortir avec un mec juste pour une bagnole, bon. Oui, c'est vrai que c'est. Oui. Ah bah c'est des michetots, dans ce cas-là. Ah bah ouais, c'est ça. Non mais c'est quand même de la pauvre michetonnerie, quoi. Ah, oui. Bah, elle me l'a dit clairement quand on s'est quitté, c'était juste pour toi.

pull up on her with the Chevy. Real talk when the light turn green. Give me what I ask for. I got a passport. Mr. International, I hit the airport. If you knew the kind of work that I transport, that Rihanna do me dirt to the crash course. I like the cleanest, greenest, leanest. Serena Venus, flow a genius. Smoking Phoenix, you never seen this. I have a dream this. That 200 on the dash got me fiending. So I'm trying to ride out, slide out. You waiting for? You only got one life, and we gon' live it up. So give me the green light, 'cause I'm ready to go. Give me the green light, 'cause I'm ready to go. Let's have a good time. What you waiting for? You only got one life, and we gon' live it up. So give me the green light, 'cause I'm ready to go. Spécial de Difool qui continue jusqu'à minuit. On se prépare un nouveau double appel, un petit sujet sodomie également, que sera une spéciale sans sodomie. Là on part sur le répondeur de Pamela avec Philippe, nouveau pervers de Poitiers, à découvrir maintenant avec Difool, Romano, la Marie, Samy, Karim, Cédric le Belge et Pamela. Elle est blonde ou brune, son sein gauche fait 85A et le droit 95E. Elle n'a que 3 doigts et travaille dans la mode, enfin elle est modéliste quoi. Pamela, le moment le plus sensuel de l'émission. Donc là, on appelle parmi les pervers qu'on vous a fait écouter tout à l'heure. Allô ? Oui. Oui, bonsoir, c'est Pamela, l'appareil. J'ai entendu ton petit message sur le réseau. Probablement, c'est un message qui est très ancien. Ah ben alors, parce que moi, je l'ai entendu aujourd'hui. Alors, je sais pas, il y a peut-être eu un bug, mais c'est pas grave, hein. Moi, c'est... On peut parler un peu ? Qui es-tu ? Ben moi, je m'appelle Pamela, j'ai 25 ans. Je suis dans la mode. Je travaille dans la mode, je suis modéliste. Je suis blonde et brune, 1m70, une belle poitrine, 95E et 85B. La minette épilée devant, un peu plus longue sur les côtés, avec un tatouage, une encre de marin. Allô ? Oui. Ça te plaît ? D'abord, je suis un petit peu surpris parce que c'est une annonce qui est ancienne et qui m'a donné très très peu de réponses. Ah ben voilà, ben t'en as une ce soir. Tu vois, c'est ton genre de chance. T'es en train de te caresser ? Oh, pas du tout. Ben tu peux. Tu sais que ça me ferait plaisir. De t'entendre te masturber très fort. Et alors, quelle était cette annonce ? Eh bien, attends, je l'ai, tiens, écoute. 0643. J'adore la masturbation plus que tout au monde. Tu adores la masturbation ? Vas-y, te gêne pas, branle-toi. Ça te dérange pas si je me caresse un peu ? Et tu es qui ? Un travesti ? Un transsexuel ? Qui es-tu ? Ah non, moi je suis une femme. J'ai quand même un doute. Oui, mais je suis un petit peu enroué. C'est les allergies. Oui, mais quand même. Et j'ai beaucoup crié pour le foot. Oui. Et la clim. Eh, pas de bol. Allez, je te l'avoue, je suis un travesti. Bah, je m'en doutais quand même. Mais ça te dérange pas ? Bah, je suis pas spécialement attiré par les travestis. Non, mais tu pourrais me la sucer. Non ? Allez, coquin. Et tu es dans quelle région ? Là, je suis sur Paris, moi. Eh oui, mais moi, je suis en province. Mais c'est pas grave, moi, je me déplace. Je travaille dans la mode, je suis modéliste. Je peux me déplacer en ULM. C'est quoi, ULM ? Ultra léger motorisé. Ah, vous êtes deux ? Non, c'est la télé. C'est la télé, elle répète ce que je dis. Et pourquoi ? Parce que c'est une télé interactive. 4G, HDMI. Oh, tu es technophile. J'adore, je suis technophile. Je Coquin, va. Je suis sûr que t'es en train de te caresser la queue. Ben non. Je peux te dire quelque chose? Oui. Concernant mes physiques, j'ai trois doigts. Trois doigts? Trois doigts. Comment ça? Ben, trois doigts par main. Pourquoi? Ben, je travaillais dans le bois, j'étais dans la bûcheronnerie. Et des mauvais coups de scie et et clac. Le doigt, voilà, enlevé. Quoi? Un, deux, trois. Non, un, deux, d'ailleurs. Deux. Mais pas aux deux mains. Eh si. Et c'est pas les mêmes. Ah bon? J'en ai quand même 6 sur 10. Ça me dérange pas, j'arrive très bien à masturber une queue avec mes trois doigts. Tu te branles, là, hein? Ben non. T'es où, là? Ben, je suis chez moi. Et t'es dans quelle ville, du coup, toi? Je suis pas très loin de Poitiers. Ah, très bien. À Chasseneuil-du-Poitou? Non. Ben moi, je vais bientôt faire un défilé au Futuroscope. Un défilé de quoi? Je défile avec les lapins crétins. Non, mais c'est vrai, il y a une attraction au Futuroscope, je vais défiler avec eux. Alors, à l'occasion, je pourrais peut-être venir te voir. C'est quoi ton prénom? Je m'appelle Philippe. Tu as quel âge, Philippe? J'ai 66 ans. Et tu es comment physiquement, Philippe? Je mesure 1m72, je suis mince et barbu. Mais barbu comme le Père Noël? Moins. C'est bien. Ça dépend des périodes. Et tu aimes quoi sexuellement, toi? Faut te branler, là. Je crois qu'il faut que tu te branles. Ah si, il faut te branler. Allô? Oui. Il faut que tu te branles. J'ai un copain, Patrick, qui veut te dire un truc. Branle-toi un peu. Tu l'as entendu? Ah merde. Ah non, t'as déconné. Oh, il a pas aimé. Ah mais lui, il casse les couilles, le mec, il met 3 heures à vouloir se branler. C'est la spéciale du dimanche soir, avec le meilleur de Difool sur Skyrock. Comment ça va dans ton couple, Abdel, dis donc? Ah bah écoute, je sais pas si ça va bien ou pas. Oui. Moi, je peux déjà, parce que je sais à peu près, on m'a dit 2-3 trucs au standard, je me suis renseigné sur ton cas, Abdel. D'après ce qu'on m'a dit, je dirais plutôt que ça va pas super. Pas du tout. C'est ça. Pas super, c'est clair. On va dire pas super. Écoute, après, à vous de juger, écoutez bien. Vas-y. Alors voilà, bon, moi, ça faisait 3 ans et demi que j'étais avec une meuf. Déjà, vous voyez, ça va pas super. Déjà, il n'en parle au passé, enfin, à l'imparfait. J'étais, ça faisait 3 ans et demi. Du moins, là, je suis toujours avec elle, tu vois, je suis toujours avec elle, mais le truc, c'est quoi? C'est que, tu as vu, moi, je l'ai déjà trompé une fois, elle l'a cramé et tout. Elle a réussi à pardonner, machin. Attends, mais comment elle a fait? Déjà, si vous trompez votre meuf, les gars, écoutez bien, ça peut vous servir. Comment ne pas se faire choper? Alors, toi, comment tu t'es fait choper? Ah mais moi comme un bleu, j'ai laissé un t-shirt de la meuf que j'ai baisé chez moi, elle est venue chez moi et elle m'a donné. Ah oui, c'est sûr que c'est con. Je sais pas combien tu mesures, Abdel, c'est sûr que si c'est un petit. Moi je fais 1m85. Voilà. Je suis assez grand. Voilà, c'est un petit débardeur noir, tu vois, c'est pas pour moi. Voilà, si c'est un petit débardeur noir taille S fille. Ouais, puis si t'as pas de sœur par exemple qui aurait pu dormir chez toi, t'es mort quoi. C'est vrai. Ouais, bah surtout j'ai pas de sœur, tu vois, chez moi on est 4 garçons. Voilà, bah oui, c'est pas mal. Bah tu peux dire que c'est ton petit frère. Il s'habille avec des débardeurs en noir. Ça c'est fatal. Trop beau. C'est la meuf à ton petit frère par contre. Mais tu vois, c'était dans ma chambre, mais ma chambre elle est fermée à clé. Mais ça aurait été une bonne idée. Ouais, bon, en gros, ta meuf est pas conne et donc elle t'a chopé. Elle a cramé, ça arrive. Voilà, et tu vois, je sors avec une meuf qui est plutôt du genre FBI et qui me remonte sur des trucs doux que. Elle te remonte sur des trucs, même moi j'avais oublié, tu vois ce que je veux dire, elle m'a remonté des trucs, elle a su quand j'étais avec elle, pour te dire, elle me géolocalisait avec mon iPhone et une fois elle m'a envoyé un message en me disant ouais t'es au McDo avec une meuf. Oh putain, carrément. Elle est très forte. D'ailleurs, je suis toujours avec elle, tu vois, mais pour en revenir à l'histoire, tu vois, c'est que je suis parti à un festival, je suis parti 3 jours, tu vois.

Comme bouffer le monde avant que le monde me bouffe. Partir loin, seul au milieu de la ronde, j'étouffe. Traverser les mers, avancer coûte que coûte. Coûte que coûte, dévorer la terre. Son meilleur ami, c'est d'abord soi-même. Mes rêves traversent les nuits, s'étendent sur mes plaines. Près des montagnes de soucis où je vide ma haine. J'essaie de croire en la vie, mais j'y arrive à peine. Son meilleur ami, c'est d'abord soi-même. Mes rêves traversent les nuits, s'étendent sur mes plaines. Près des montagnes de soucis où je vide ma haine. J'essaie de croire en la vie, mais j'y arrive à peine. Je compte bouffer le monde avant que le monde me bouffe. Partir loin, seul au milieu de la ronde, j'étouffe. Traverser les mers, avancer coûte que coûte. Coûte que coûte, dévorer la terre. Je compte bouffer le monde avant que le monde me bouffe. Partir loin, seul au milieu de la ronde, j'étouffe. Traverser les mers, avancer coûte que coûte. Coûte que coûte, dévorer la terre. Qu'il fallait marcher au pas. J'ai décidé de suivre mon chemin de croix. De toute façon, on voit très peu d'étoiles sur nos faubourgs. Les yeux fermés, on s'habitue au temps qu'il court. En tournée Skyrock, en concert, ça sera au mois de mars 2017 sur la scène de l'Olympia à Paris. Giorgio, nouveau son rap français. Gros son, la terre, je la dévore sur Skyrock. Spécial de Difool qui se poursuit lui aussi, sera en tournée Skyrock très bientôt. Ça débute au mois d'octobre. On vous a mis toutes les dates sur le net, c'est skyrock.fm. C'est Issa Doumbia que vous retrouvez maintenant. C'est un collector de la radio libre. Issa Doumbia et Pamela maintenant dans la spéciale de Difool. Elle est blonde ou brune. Son sein gauche fait 85A et le droit 95E. Elle n'a que 3 doigts. Elle travaille dans la mode. Enfin, elle est modéliste quoi. Pamela. Le moment le plus sensuel de l'émission. Allô ? Oui ? Guy ? Oui ? Oui, c'est Pamela, comment vas-tu? Ah, salut Pamela, ça va? Ben, ça va et toi, je te dérange pas, j'avais pas reconnu ta voix, dis donc. Ah non, tu me déranges pas, là, c'est parce que je suis un peu enrhumé, je suis pas trop bien. Ah, là. C'est pour ça, oui, ta voix a un petit peu changé. Ah ouais, t'as chopé la crève, là. Ouais, la crève, je suis pas très bien, oui. Ah, mais t'as trop dansé, t'as trop fait la fête? Oh, même pas. Non, Pamela, tu me les présentes ou pas? Ah oui, ben non, c'est d'avoir. Non, c'est le coup, hein, j'ai pu prendre un coup de froid, je sais pas. T'as trop dansé sur Patrick Sébastien. Voilà, peut-être bien. Pamela, tu me les présentes ou pas? Eh, tu sais que je suis avec une copine ce soir. Ah. Et elle s'appelle Mama. Allô? Et je pense que ça va te plaire, elle a des très très gros seins. Ouais, moi j'ai fait du 110F. Ouais, ah bah d'accord. Ah oui, voilà, oui. Ah, c'est super, oui. Ouais, ah, j'adore. Moi j'aime bien si on me tripote un peu les seins. Ah, moi j'adore ça, les seins. Il fait ça très bien. Ah, j'adore m'occuper des seins. Comment tu me toucherais? Ah bah je commence avec ma langue, je fais le tour de ton petit mamelon. Non, moi c'est un gros mamelon, moi. Un gros mamelon. Comme un CD. Hein? Ouais. Comme un CD. Après, je prends mes doigts et puis je prends ton le petit bout de ton sein, puis je tourne. Les mange. Je t'attrape ta queue, moi. Je te prends fort, moi. Pendant ce temps-là, je te caresse un peu le clito. Mets ma main dans ta petite culotte. Et puis je te caresse. J'ai les têtes à cuir pointe. J'ai les têtes à cuir pointe. Voilà. Vas-y, continue. Et puis je te mets un petit doigt dans ton œillet. Continue sur mes seins. Oh, c'était ça, je te les mange, Mets-toi des claques avec, mes seins. Ah oui, j'avais des claques sur tes seins. Voilà. Hein, oui. Des grandes claques sur tes seins, je te les pince, je les mange. Je vais les arracher, tu vois. Arrache le téton, arrache-le, tire-le. Ah oui, je les mange, je le mange, là, oui, je tire dessus. Encore, oui. Il est tout dur, oh là là, qu'il est bon. Tape sur ton téton, oh là là. Avec ta langue caresse. Oui. Ah oui, je sens, t'es toute mouillée, oh là là, c'est bon. Tu vas, Ouais, tu bandes bon. Pas. Est-ce que tu bandes? Tu bandes pas? Oui, oui, je bande, je bande, je bande. Touche-toi la queue, touche-toi la queue. T'es pas jalouse, quoi? Oui, je me touche la queue. Écoutez, je me caresse. Ouais. Oh, moi et Pamela, on se touche là. Oh, je touche. Oui. Ah, oui. Oh, je touche Pamela. Pamela, et moi, je lui lèche ses gros seins. Oh, oui. Continue, oui, oui. Ah, ben. Oh là là. Si j'étais là. Oh, ça me fait du bien, hein, c'est bon, hein. Mais toi, tu hein bandes, là. Oui. Oh, dis donc, elle prend son pied, là. Qu'est-ce qui t'arrive, maman? Elle est contente, maman, hein. Maman, elle a une crise hémorroïdaire. Attends, ça pas rien. Elle a une crise hémorroïdaire. Ah. C'est à cause du petit doigt dans l'œillet. Ah oui. Faut pas toucher. J'y mettrai ma queue, moi aussi. Dans l'œillet, pour les hémorroïdes, c'est pas le top. Ah bon? Et toi, là, tu bandes? Oh, faut que j'aille faire une douche, là. Ça y est, tu as sorti ta queue. Oui, oui, je sorte ma queue. Il a ressorti sa queue. Il a sorti sa queue. Je reviens. Mais tu es sur ton canapé. T'es comme un pantalon. Ma queue, je la mettrai dans votre bouche. Vous me chuchoteriez. Toutes les deux. Toutes les deux. Ah oui. Vous serez la queue toutes les deux, hein. Ah ouais, on va te sucer la queue toutes les deux. Vous aimez ça, hein. Et puis après. Pas te lécher les couilles. Jusqu'à ce que je jouisse sur vous. Ah ouais, hein, ouais, ouais, mais vas-y. Vas-y. Voilà, comme ça, je vous jouis dessus. Sur mes seins, j'ai envie que ça dégouline. Comme si c'était du bon blanc. Vas-y. Voilà. Oui. J'éjacule sur vos seins. Ouais, regarde vas-y. Il y en a partout. Hein. Oh, t'as vu un peu. Oh, il y en a plein partout. Hein. C'est contente. Hein. Ah oui, Pamela, laisse-moi te tomber. Vas-y, laisse-moi te tomber, Pamela. Oh non. T'as vu. Encore. Oh, ouais. Oh, c'est bon, hein. T'as vu, hein. Ça y est, t'as joui. Mais il est venu en 4 minutes. Oui, j'ai joui. J'ai juste sur vos seins. T'as pas senti. Ah si, c'est tout chaud. T'as pas senti mon sperme sur tes seins. Ah si. Oh là là. Tu les lèches. Oh, on dirait que tu es mon Jean de la Fontaine. Le mec, il nettoie l'air. Bien sûr que je lèche après tes seins. Ah bah oui, tu récupères le matos. Avec mon sperme dessus, bah oui. Ah ouais, tu lèches tout cochon. Bah oui, ah bah oui. Oh, tu es mon Guigui de la Fontaine. Mon Guigui de la Fontaine, c'est toi. Ouais. Oh, ouais. Ah, c'était bon, Guy. Ah, c'était bon, hein. Après ton pied. Oh, tu m'as fait monter en pression, hein. Ah, moi, tu m'as fait bien mouiller. J'ai essayé une cocotte minute, hein. Vous avez bien mouillé, c'était bon. Oh, ah, c'était trop bon. Vous avez bien joui, c'est oui, bon. Oui, on a bien joui. Ah, bah, je suis content. Ah, oh, bah, nous aussi. Oh. Super. Bon, bah, Guy, on va te laisser te laver. Je vais bien dormir, hein. Oui, moi aussi. Ouais, ben maintenant je vais aller me laver la queue. Va te laver la queue. Et puis vous pouvez vous laver aussi parce que vous en êtes là partout. Ouais, on va se laver ensemble. Non, moi je vais dormir comme ça, moi. Tu dois être mon sperme sur tes seins. Oui. Moi je vais l'enlever par contre. Moi j'en ai même un peu dans le dos. Tu veux récupérer ma part, maman? Oui. Attends, j'espère un aspirateur. Oui. Bon, ben Guy, on va te laisser te laver la queue, comme tu disais si bien. Voilà. Et puis, va continuer bien. Tu la laves où, dans l'évier? Bah oui. Dans l'évier. Bah, évidemment, oui. Avec les assiettes. Ouais. Guy, les bons tuyaux. Ouais. Ah ben, lave-toi bien la queue. Hein. Ouais. Frotte-la bien et puis qu'elle soit bien bonne demain. Ouais. Ben, finissez bien la nuit. Ah ben, on va bien la finir. Ouais. Caressez-vous un petit coup demain matin. Dommage que tu viens pas. Avant, ouais. Bah oui. Ah bah si, il est venu, là, vite, là. Non, mais dommage que tu viens pas chez nous. Ah ouais, bah oui, ça. Je serai entre vous deux, là, ça serait bien. Ah bah, t'imagines. Hein? Entre mes deux. Mais quand je descends en Bourgogne avec maman, on te prévient. D'accord, ok. Et on se fera du bien. Ah, ouais, d'accord, maman. Allez, gros bisous, Gondi. Okay. À bientôt, mon petit bourguignon. Allez, je vous embrasse partout. Ouais. Ah, nous aussi. Hein? Oh. Allez. Allez, bonne nuit. Ouais. C'est la spéciale du dimanche soir avec le meilleur de Difool sur Skyrock. Et on l'embrasse aussi, notre poteau Issa Doumbia, qui a participé donc à cet appel avec Pamela. C'est lui qui faisait Mama Conakry. Vous l'avez reconnu, Issa a tourné Skyrock dans toute la France le 14 octobre. Il sera du côté de Bully-les-Mines dans le Pas-de-Calais le 20 octobre à Mézieux, c'est près de Lyon. Il va passer par Amiens le 22 octobre, 4 novembre à Sucy-en-Brie, le 12 novembre du côté du Mans, 10 décembre. Il sera à l'Espace Julien de Marseille, et puis début 2017, il va passer à l'Alhambra à Paris, du côté de Tinqueux,

Non, non, non, je crois qu'il j'avais des fenêtres. Ah ben. Ouais, alors il faut être babave. Viens me voir. Ah ben, je vais venir. Ouais, ouais, moi, t'es vraiment une voix de PD, par contre. Ah ben, j'espère bien. Ouais, salut, tu vas te faire dominer une bande de fois, toi. Ah ben, j'espère que ce soir, je pourrais te le faire. Ah ouais, ben, moi, ça risque pas, j'ai trop le cul bouché, mais. Avec un lubrifiant ou sans lubrifiant? Hein? Ouais, ouais. Avec un lubrifiant ou sans lubrifiant? Et vous êtes vraiment marrants, les mecs, hein. Ah oui. Je crois que je vais me masturber sur tes fenêtres. Eh ben, tu veux, bon, tu veux, à la limite, tu veux les nettoyer, c'est tellement dégueulasse. Ça fera Chamonix, je verrai des petits patinés. Ah ben voilà, c'est parfait. Ah, toi, moi, j'ai le sens de l'humour, plus que toi. Bon, je suis là dans 5 minutes, mon chéri. Ouais. Viens, ma biche. J'ai ce qu'il faut. Je suis avec mon copain, il faut lui poncer la gueule, hein, ça va plus du tout. Mais ça va. Il est content. Ouais. Oh, mais c'est parti. Ah bah ça y est, parti. Et bien voilà, double appel qui se termine bien. Les Américains nous l'envient, les Chinois l'ont déjà copié, les Belges passent leur temps à l'imiter. C'est le Karim Comedy Club sur Skyrock. Ah, le Karim Comedy Club, c'est ouais. Parti pour ce soir. Allez, c'est parti avec une blague d'Emeric de Bretignol. Merci Emeric de Branquignol. Bretignol, ouais, Branquignol. De Branquignol. C'est ça. Je connais Brignol, mais Bretignol, oui. Moi, je connais pas non plus. Ah, alors, je connais pas non plus. Je l'ai déjà faite, hein, facile. Combien de temps met une moule à atteindre l'âge adulte? Ah, tu l'as déjà faite, je me rappelle pas, dis donc. Combien de temps met une moule à atteindre l'âge adulte? Vous savez pas? Non. Non. Ah, non. T'es sûr que tu l'as déjà faite? Ouais, bah ouais. Combien de temps met une moule à atteindre l'âge adulte? À peu près 13-14 ans, parce qu'après il y a des poils et on appelle ça une chatte. Allez. Okay. Cette blague, trop excitante, cette blague. Elle est excitante, ça dépend, en tout cas elle est marrante, mais je ne me rappelle plus bien. Elle est d'Arca. Très bien, une autre. Allez, une autre de Zach de Toulon. C'est oui. Romano, il rentre mort bourré dans un bar, il se dirige vers le comptoir et là il écrit: tous ceux qui sont à ma droite c'est des connards et tous ceux qui sont à ma gauche c'est des merdes. Là t'as Cédric qui se lève et qui dit: voilà, moi je suis pas une merde. Et là t'as Romano qui le regarde qui lui dit: bah passe à droite, connard. Ah, c'est une blague d'alcoolique, t'sais. Ouais, t'as les alcoolos. Ouais. Alors attention, une blague très très bête de Ben 2412. J'aime bien les blagues bêtes. Où trouve-t-on le plus d'abricots? Ah, attends. Une blague très très bête. Donc où trouve-t-on le plus d'abricots? Abricot marché. Abricot marché. Ou abricot dépôt, j'allais dire. Aussi, ça marche aussi. Et abricot rama. Ouais, ouais, voilà. Abricot, ça marche aussi. Ah. Tiens, petite blague de Lucas footballistique. La différence entre Karim Benzema et un hématome, c'est qu'un hématome, il est bleu et il marque. Ah oui. Ça, c'était une blague qui tournait pas mal quand Karim Benzema ne marquait pas. C'est ça. Merci, Lucas. Et par rapport au France-Irlande aussi de dimanche, il y en avait une un peu pour se souvenir. C'était Monsieur et Madame Delamain ont trois fils. Comment ils les appellent? Thierry, Henri et Marc. Thierry, Henri et Marc Delamain. La spéciale du dimanche soir, le meilleur de Difool. What the fuck? Jusqu'à minuit sur Skyrock. Et nous, on s'est bien amusé tout au long de la soirée avec les meilleurs moments de la radio libre à Difool que vous retrouvez demain matin en direct entre 6h et 9h. Le morning de Difool, de la déconne et du cash tous les matins entre 6h et 9h avec vos rendez-vous. Le réveil de star à pas louper, ça sera à 6h10, 7h10 et 8h10. A-t-on du lourd demain matin pour le réveil de star? Je vais m'adresser à la personne qui s'en occupe dans le studio, Maëlle. On a du lourd ou pas pour le réveil de star demain? Ouais? Ouais, c'est bon, d'accord. Donc on a du lourd. Voilà, des gros réveils de star en prépa demain matin. À pas louper dans le morning, il y aura les conseils pas chers de Romano, les nouveaux horaires des pas chers, c'est 7h moins le quart, 8h moins le quart et 9h moins le quart. Et bien évidemment, vos 1 500 € à choper, ça sera toutes les 30 minutes avec Difool et Romano, la radio libre de retour également en direct hein, demain soir à partir de 21h. Toute l'équipe en direct à chaud bouillant avec vous toutes et vous tous. Et là, on file retrouver Fred et DJ Case, 2h. De son mixé par DJ Case, le DJ Rai de référence. Passez tous une bonne nuit, c'est parti pour Rai Suprême. On y va sur Skyrock. Are you ready? Let's go! Rai Suprême. 2h, DJ Case, t'ambiance avec tous les sons du moment sur Skyrock. Are you ready?

Suprême en direct sur Skyrock. C'est DJ Kays, on se retrouve tous dimanche soir à minuit pour Rail Suprême. Minuit 2h avec Fred et DJ K sur Skyrock. Moi jusqu'au bout de la nuit, attends tes yeux.